L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir, petit loup. C'est la fin du mois d'octobre et Halloween approche. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, j'avais envie de rendre hommage à un réalisateur mythique du cinéma fantastique, John Carpenter. Cet homme-là, en plus d'avoir réalisé des classiques du genre comme Halloween, la nuit des masques, compose lui-même les bandes originales de ses films. Par conséquent, je vous propose ce soir une sélection musicale entièrement consacrée à l'œuvre de ce cinéaste et musicien sans équivalent. Et pour commencer, je vous invite dans le sillage de Michael Myers par un beau soir d'octobre doux et calme, très calme, trop calme. not a fool, Plissken. Call me Snake. You gonna kill me now, Snake? I'm too tired. Maybe later. Thank you. De retour dans l'heure du loup, chers amis, sur Osmose Radio. Ce soir, c'est une playlist consacrée aux bandes originales des films de John Carpenter, un cinéaste singulier qui compose lui-même les musiques de quasiment toutes ses œuvres, pour la plupart des films d'épouvante ou de science-fiction. Son credo, c'est une musique minimaliste au service de l'intrigue. Pas de composition symphonique, mais des synthétiseurs lancinants. Pas de voix ni de chœur, mais des thèmes musicaux qui suggèrent un climat de tension. Néanmoins, il s'aventure parfois du côté du blues, du metal ou de morceaux plus funky qui auront influencé des musiciens bien plus tard comme Daft Punk ou Gesto Funk et tant d'autres qui ont grandi en regardant ses films. Thank you. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Thank you. Voilà mes petits loups, c'était ce soir une émission en l'honneur du cinéaste John Carpenter avec des extraits de ses bandes originales de films. Une playlist qui tombe à point nommé car va sortir bientôt une suite du film culte Halloween qui a été projeté pour la première fois sur les écrans il y a 40 ans. Que devient John Carpenter ? C'est un homme de 70 ans aujourd'hui qui a mis sa belle carrière de réalisateur entre parenthèses pour un temps, bien qu'il ait toujours des projets de cinéma. Il s'adonne à la musique, en compagnie de ses enfants, fait des concerts et sort des albums. Et puisque toute une génération a eu des frissons dans les salles obscures en écoutant la musique des films de John Carpenter, je vous propose de conclure cette émission avec le duo français Zombie Zombie, qui a rendu un bel hommage à l'ambiance glaciale et inquiétante, voire anxiogène, du film The Thing, sur le morceau Driving This Road Until Death Sets You Free. Moi, je vous libère et je vous dis à la semaine prochaine pour une playlist Halloween. Thank you.